Chapitre 28e. Ce que Cécile Burton fit pour sa belle-sœur. Aussitôt que Harry Clavering eut fait à M. Burton la promesse d'aller le voir à Hounslow Crescent dans la soirée, il quitta les bureaux de la Delphi, comprenant qu'il lui eût été impossible de reprendre son travail ce soir-là, quand même il eût été disposé. Burton ne s'attendait pas non plus à le voir rester. Il comprenait bien, au moins en grande partie, l'état de trouble se trouvait Harry, et sans regarder la cause de sa sœur comme perdue, il voyait bien que Harry s'était mis dans de grands embarras et n'en pouvait sortir sans violents et douloureux efforts. Mais Burton, malgré l'apparence sceptique qui n'était qu'à la surface, était de ces gens qui y croient volontiers au bien, tant dans la généralité des hommes que chez les individus. Harry certainement s'était donné des torts, mais non peut-être irréparables. Qu'il se fût mal conduit envers Florence, qu'il se fût même rendu coupable de fausseté, Burton ne le croyait pas assez dépourvu de bons et nobles sentiments pour qu'il n'eût l'abandonné, le rejeté outrageusement, sans au préalable avoir tenté quelque chose pour le sauver. Après le départ de Clavering, Burton reprit son travail, et non sans quelque peine, parvint à fixer son attention sur les papiers qu'il avait devant lui. Il en coûta beaucoup, mais il en vint à bout, et ne quitta son ouvrage qu'à son heure accoutumée. Il était 5 heures passées quand il prit son chapeau et son parapluie, et j'en ai peur, et poussa ses bottes dans le passage au sortir du bureau. En passant, il donna divers ordres, suivant la coutume, aux commis et aux porteurs, puis partit pour se rendre chez lui en faisant sa promenade habituelle. Chemin faisant, il avait assez de quoi occuper sa pensée. Comment se passerait l'entretien annoncé, et comment entrerait-il en matière? S'il y avait lieu de se fâcher, comment manifesterait-il sa colère? Et s'il fallait venger sa sœur, quelle serait sa vengeance? Rien n'est plus difficile pour un homme que d'avoir à redresser une injure faite à une femme qui lui tient de très près et lui est très chère. Devant une injure de ce genre, toute la théorie chrétienne de la douceur et du pardon ne semble qu'une chimère absurde. Quel homme, quand on a insulté sa femme ou sa sœur, s'est jamais laissé arrêter par la pensée religieuse? Sans un seul motif plausible, sans un instant de réflexion, il déclare que les injures, telles que celles qui lui a été faites, ne tombent pas sous la loi commune du pardon. Mais que faire? 30 ans plus tôt, la voie était toute tracée, et à moins que l'insulteur ne fût un ecclésiastique, il n'y avait qu'à prendre un pistolet et tirer sur lui. Cette méthode, sans doute, était déraisonnable et barbare. Mais enfin, c'était une satisfaction qu'on se donnait, et cela contentait. Mais aujourd'hui, que faire? Ce n'est pas à un homme prudent, réfléchi, laborieux comme Theodore Burton qu'il pouvait convenir de tomber à coups de poing sur son ennemi, de lui sauter à la gorge comme un chien enragé. Dans plusieurs cas, dans la plupart peut-être, il pourra avoir recours aux tribunaux, mais l'assistance que donne la loi ne laisse pas d'avoir aussi ses désagréments. Faudra-t-il que le nom de celle qui lui est si chère soit crié dans 10 000 colonnes de journal pour l'amusement du public? Plutôt 1000 fois, après une telle infortune, le repos du tombeau. Que reste-t-il donc, sinon de souffleter l'homme, de le souffleter non de la main, mais d'un mépris tout intérieur auquel, pensée amère, on sait d'avance qu'il restera insensible? Sans regretter l'ancienne méthode, il faut convenir que depuis que le pistolet est tombé en désuétude, l'honnête homme se trouve parfois fort embarrassé. Toutes ces réflexions passèrent par la tête de Burton pendant qu'il suivait son chemin pour rentrer chez lui. Assurément, on aurait pu le prendre pour un homme sanguinaire, lui, l'heureux époux d'une femme qui lui semblait la perfection même, père d'enfants gracieux et adorés, lui qui aimait son labeur journalier, comme fait tout bon travailleur. Et pourtant, en songeant à Florence, à la possibilité d'une trahison de la part de Harry, il se désespérait d'être toujours forcé d'en revenir à cette conclusion fatale, qu'il n'y avait point de punition pour une telle trahison. Crier partout à la perfidie, le monde ne ferait que rire à ses dépens, et ne donnerait pas moins des poignées de main aux coupables. Puisque le ciel, trop indulgent, ne jugeait pas à propos de foudroyer instantanément le traître, pour la punition digne de son forfait, Burton aurait voulu être assis avec lui sur un baril de poudre, ou le tenir sous son pistolet à la distance d'un mouchoir. Sa Florence, si pure, si bonne, si aimante, si droite, sans imperfection du cœur ni de l'esprit, la perle de cette nichée des Burton, jusque-là si prospère, l'avoir sacrifiée par l'inconstance d'un homme qui, même fidèle et honnête, eût été à peine digne d'elle, cette pensée lui faisait grincer les dents tout en marchant. Et pourtant, l'idée de justice ne l'avait pas abandonnée. Malgré les affreux malheurs qu'il pressentait, il se disait qu'il ne devait condamner qu'en connaissance de cause. Il se pouvait que Harry Clavering ne fût pas assez bon pour Florence. Quel homme l'eût été ? Cependant, Harry, une fois marié, pouvait bien ne pas faire un mauvais mari. Tel homme disposé à se soustraire à ses engagements avant qu'il soit définitivement scellé, s'y soumet à ses bonnes grâces une fois le sceau apposé. La nature de Harry Clavering était telle que Burton n'aurait su dire si pour Florence une rupture violente avec toutes les tortures de l'amour outragé eût été préférable. Harry Clavering était un homme comme il faut, distingué, de nature aimante, doux, tendre au cœur, désireux de plaire, d'humeur égale, ambitieux et pouvant s'élever à tout. Burton le reconnaissait. Il était aussi porté à croire que la faute avait été plutôt accidentelle que délibérée. Harry n'était pas un roué ni un trompeur d'habitude. Arrivé sur le pas de la porte, Burton prit enfin son parti. Il dirait tout à sa femme et la laisserait recevoir Harry toute seule. Il était un peu las de la promenade et, par suite de la fatigue, d'assez méchante humeur. Cela lui arrivait quelquefois quand il rentrait échauffé par la marche, la tête lassée de travail et pressée de dîner. Sa femme y était habituée, et pour lui donner l'occasion de se décharger, venait le trouver dans son cabinet de toilette à côté du salon et lui donnait tous les objets dont il avait besoin. Je n'assurerais pas qu'il ne prît avantage de cette condescendance pour grogner et tempêter dans ces moments-là, sans craindre qu'on lui répondît. Mais la chose était passée à l'état d'institution et Cécile ne se révoltait jamais contre cette loi traditionnelle. Ce jour-là, il avait beaucoup à lui dire, mais il ne put le faire sans quelques coups de boutoir. « Je crains que la journée ne vous ait paru terriblement longue, » lui dit-elle. « Je ne sais ce que vous voulez dire avec votre terriblement longue. À moi, les jours me paraissent terriblement courts. J'ai vu Harry, comme je vous l'avais annoncé. Très bien. Dites-moi en un mot que tout va bien, si pourtant il en est ainsi. Mais c'est que cela ne va pas bien du tout. Je ne sais ce qu'ont les cordonniers, mais je ne puis trouver une paire de bottes qui ne me blesse quand je marche. » Il n'avait pas fini que sa femme lui présentait ses pantoufles. « Voulez-vous un verre de Xérès avant le dîner? Vous êtes si fatigué. » « De Xérès, non. » « Eh bien, et de Harry, n'avez-vous rien à dire ?»« Si vous voulez bien m'écouter, vous saurez tout ce que j'ai à dire. » Alors il lui raconta, du mieux qu'il put, tout ce qui s'était passé entre lui et Harry. « Il ne peut avoir l'intention de manquer à sa parole, » dit la femme, « du moment qu'il doit venir ici. » « Il n'en a pas l'intention. » Mais c'est un de ces hommes qui le font sans en avoir l'intention, qui se laissent aller à la dérive dans un océan de misère et de difficultés, faute de veiller et s'assurer que leurs ancres tiennent bien. Je crois qu'on peut encore le remettre dans le bon chemin, et c'est pour cela que je lui ai demandé de venir ici. Je suis sûr que vous avez bien fait. Ayant bon et affectionné, il s'était fait comme de notre famille. Oui, que trop vite seulement, c'est ce qui fait le danger. Mais si, si. Je vais vous dire ce que je veux faire. Je ne le verrai pas moi-même, du moins pas tout de suite. Peut-être même ferais-je mieux de ne pas le voir du tout. C'est vous qui lui parlerez. Quoi ? Toute seule ? Pourquoi pas ? Vous et lui avez toujours été grands amis. Et il est de ces hommes qui se trouvent plus à l'aise avec une femme qu'avec un homme. Et comment excuserai-je votre absence ? Tout bonnement en lui disant la vérité. Vous lui direz que je suis resté dans la salle à manger parce que j'ai cru qu'il aurait plus de facilité à s'expliquer avec vous. Je crois qu'il s'est fourré dans quelque embrouille à Minnie avec cette femme, avec Lady Ongar. Oui. Ce n'est pas qu'il était question d'elle entre nous, mais je le suppose. Horrible femme, méchante et mauvaise créature. Pour cela, je n'en sais rien. Ni vous non plus, je pense. Mon ami, vous avez dû entendre ce qu'on dit d'elle. Non pas qu'il m'en souvienne, mais en tout cas, je ne l'aurais pas cru. Je sais seulement qu'elle avait épousé un homme âgé, et maintenant il se pouvait qu'elle eût envie d'un jeune mari. « Mon ami, à votre place ici, je parlerai d'elle aussi peu que possible. C'est une vieille amie de Harry. Elle a un peu coqueté avec lui quand il était encore petit garçon. Je sais toute cette histoire. C'était bien longtemps avant qu'il ait vu notre Florence. Et il lui est allié par son cousin. Qu'elle soit ce qu'elle voudra, à votre place, je ne m'en occuperai pas. Est-ce que je suis seulement dans le cas de prononcer son nom? On me dit que personne ne la voit. Elle n'en est peut-être pas pire pour cela. Toutes les fois qu'on me parle d'une femme chez qui personne ne va, je me sens pris d'envie d'aller lui rendre mes devoirs. Théodore, pouvez-vous parler ainsi? Et c'est justement, je suppose, ce qu'a fait Harry. Si tout le monde, y compris Florence, était allé chez Lady Ongar, comme chez la première venue, nous ne serions pas dans cet embarras. Mrs. Burton, comme cela devait arriver, accepta la commission dont son mari voulait lui laisser l'endos. Mais ce ne fut pas sans de vives craintes de tout gâter par sa conduite maladroite. Chez elle, du moins, il n'y avait nulle hésitation quant à l'objet à poursuivre. Ramener au bercail des Burton la brebis égarée était son unique désir. Tout serait oublié, et Harry ne serait reçu qu'avec un redoublement de tendresse, pourvu qu'il consentît à abandonner Lady Ongar. Assurer à Florence la possession de son futur mari était tout pour Mrs. Burton. Elle ne se demandait pas si Harry ferait un bon mari. Il eut fallu se préoccuper de cela à Stratton, quand Harry s'était présenté et avait été accepté. Aujourd'hui, il était trop tard pour y penser. Il ne s'agissait plus que de mettre en présence Harry et Florence et de le marier le plus vite possible, puisque le danger était si terrible. Cécile haïssait jusqu'au nom de Lady Ongar. Elle pouvait bien, dans son cœur, trouver quelque indulgence pour les hommes fourvoyés en matière d'amour, mais elle ne se sentait nulle pitié pour les femmes qui se rendaient coupables de la même légèreté. Cette comtesse avait autrefois joué avec le cœur de Harry. Nulle condamnation ne pouvait être assez sévère pour elle. Et puis, quelles horreurs n'avait-on pas répétées sur son compte? Or, la bonne, la charitable Cécile, toutes les fois qu'on disait du mal d'une femme, même à elle complètement inconnue, était portée à croire que la fumée ne pouvait aller sans feu. De plus, cette infernale comtesse était une veuve immensément riche, à la recherche d'un nouvel époux. Qu'est-ce qu'une veuve pouvait avoir à faire d'un mari? Ainsi jugée du sort des autres, celles qui ont toujours sujet d'être satisfaites du leur. Il fut décidé qu'à l'arrivée de Harry, Mrs. Burton passerait au salon pour le recevoir et qu'en attendant, elle se tiendrait avec son mari dans la salle à manger. Deux fois, après qu'on eut desservi, elle monta l'escalier sous prétexte d'aller voir les enfants dans leur chambre, mais en réalité pour veiller à ce que le salon fût bien en ordre, eût l'air confortable et gai, et que les chaises fussent convenablement disposées. Tout d'un coup, sa fille aînée lui rappela que Baby devait être endormi, sur quoi elle remonta une seconde fois. Théodore, qui comprenait bien le but de cette petite manœuvre, se mit à sourire sans parler, et sa femme, fort résolue en telles occasions, alla de nouveau placer plus avantageusement le mobilier. Enfin, on entendit le coup de marteau à la porte, le coup de marteau attendu, et dont le son incertain faisait deviner l'hésitation et la perplexité du visiteur. Mrs. Burton tressaillit et s'arrêta au milieu de son occupation. « Expliquez-lui tout simplement pourquoi vous êtes seule à le recevoir, » lui dit son mari. « Est-ce Harry Clavering ?» dit la petite Sissi. « Et puis-je aller au salon ?»« C'est Harry Clavering, et il ne faut pas que vous alliez au salon, » lui répondit son père. « Au fait, vous avez affaire ailleurs. » C'était bien Harry Clavering. Il n'avait pas passé une journée fort agréable au sortir des bureaux de M. Bailey, et maintenant, à Hounslow Crescent, il ne s'attendait pas à passer une soirée beaucoup plus agréable. Si j'apprends au lecteur qu'à l'heure présente il n'avait pas encore de résolution prise, j'ai peur qu'on ne le regarde comme un homme trop faible de caractère pour être le héros d'une histoire, même telle que celle-ci. Il n'y a pas de mot plus gênant dans notre profession, à nos autres romanciers, que ceux de héros et d'héroïne. Malgré toute la latitude laissée à l'écrivain pour l'interprétation de ces deux mots, le lecteur s'attend toujours à quelque chose d'héroïque, tandis que si nous voulons peindre la nature, l'héroïque ne s'y rencontre guère. Parmi les jeunes gens que vous, lecteurs délicats, comptez parmi vos amis, combien, soumis aux mêmes tentations que Harry Clavering, en seraient sortis intacts? Un homme loyal, dites-vous, lecteur délicat, ne peut aimer qu'une femme, au moins qu'une femme à la fois. C'est ce que vous dites, et vous en êtes convaincu, mais nulle conviction plus fausse. Quand un homme loyal a aimé de tout son cœur et de toute son âme, cessera-t-il d'aimer? Débarrassera-t-il son cœur d'une passion contrariée par les circonstances qui le forcent de chercher ailleurs la compagne de sa vie? Ou bien sera-t-il amant déloyal, par cela seul qu'après une déception, il n'aura pas jugé à propos de perdre toute sa vie dans la désolation. Est-ce qu'un ancien amour doit s'éteindre jusqu'à la dernière étincelle parce qu'un nouvel amour doit s'introduire dans le cœur? Non pas. Le premier amour, s'il a été de bon aloi, subsiste toujours. Et si, après nombre d'années, l'un et l'autre viennent à se rencontrer, en dépit des cheveux grisonnants et des joues ridées, les mains ne se joindront pas sans qu'il en résulte comme une chose électrique et un éclair de l'ancienne passion. Je crois que l'amour ne meurt jamais, à moins d'être tué par une série de mauvais traitements. Encore, les mauvais traitements même n'y réussissent pas toujours. Comment donc Harry aurait-il pu ne pas aimer la première femme qu'il eût aimée, aujourd'hui revenue tout à lui, encore jeune, encore belle, et lui avouant avec la plus délicieuse chatterie qu'elle l'avait toujours aimé? Ne croyez pas pourtant que je vais l'excuser. Un homme peut aimer plusieurs femmes, mais ne doit se dévouer qu'à une. Voici ce qu'un homme doit sentir pour la femme qu'il épouse, non seulement par amour, mais par honneur, par dignité, par sentiment du devoir. Il doit être disposé en toutes circonstances et à tout risque à la défendre, à faire tous ses efforts pour la rendre heureuse, à la préserver, autant qu'il le peut, du rude souffle de l'adversité, des dents aiguës de la misère, à balayer devant elle le sentier de la vie, à le lui rendre net de tout caillou et de toute immondice, enfin, à assurer sur le rocher la maîtresse poutre du toit qui doit la couvrir. Beaucoup de ces choses sont indépendantes de l'amour, peuvent se faire sans amour. C'est du dévouement, et c'est là ce qu'un homme doit à la femme qui lui a promis d'être à lui et n'a pas démérité. Voilà ce que Harry Clavering aurait dû se rappeler au premier moment de faiblesse qu'il avait eu dans le salon de Lady Ongar. C'était son devoir envers Florent de déclarer son engagement avec elle. À la vérité, en faisant cela, il aurait eu l'air de donner à Lady Ongar un de ces avis que les femmes n'aiment guère à recevoir. Mais c'était sa faute à elle qui avait rendu un tel avis nécessaire. C'était son devoir aussi de ne pas retourner à Bolton Street, de ne pas se duper lui-même, en se fiant aux assurances d'amitié qu'elle lui donnait. Enfin, c'était son devoir de ranimer son amour pour la femme à qui sa main était promise, de ne pas se permettre des comparaisons aux désavantages de cette femme. Il aurait dû se montrer chevaleresque, viril, incapable de transiger avec le devoir. Il n'avait qu'à être tout cela et amoureux par-dessus le marché pour être un héros. Mais les héros sont rares. À son entrée dans la chambre, il aperçut du premier coup d'œil Mrs. Burton et d'un regard rapide chercha son mari. « Harry, lui dit-elle, je suis bien aise de vous revoir. » Et elle lui tendit la main avec ce doux sourire qu'il connaissait bien et qui lui faisait trouver plaisir à être auprès d'elle. Il lui prit la main, en murmurant quelques mots de salutation, et regarda encore si Théodore n'était pas là. « Théodore n'y est pas, dit-elle. Il a jugé préférable de nous laisser un peu causer ensemble, vous et moi. Il a dit que vous l'aimeriez mieux ainsi. Mais peut-être ne devrais-je pas vous dire cela ?»« Je l'aime mieux comme cela, beaucoup mieux. Il me serait difficile de lui parler comme à vous. » »« Voyons, Harry, qu'est-ce qui vous tourmente? Qu'est-ce qui vous a retenu si longtemps loin de nous? Pourquoi avez-vous laissé la pauvre Florence sans nouvelles de vous? Elle sera ici lundi. Vous y viendrez la voir. Ou peut-être aimerez-vous mieux aller avec moi l'attendre à la station? » Burton m'avait dit qu'elle devait venir, mais je n'avais pas compris que ce fût si tôt. Trouvez-vous que ce soit trop tôt, dites? Non, répondit Henri d'un ton qui lui donnait un démenti. Aussi bien il n'avait nullement prétendu affecter les transports de joie d'un amoureux qui va revoir sa dame. Asseyez-vous, Harry. Pourquoi restez-vous debout et avez-vous l'air si malheureux? Théodore m'a dit que vous aviez été fort tourmenté. Est-ce une chose que vous puissiez confier à une amie telle que moi? C'est bien difficile à dire. Oh, Mrs. Burton, j'ai le cœur brisé. Pendant ces 15 jours, j'aurais voulu être mort. Ne dites pas cela, Harry, ce serait offenser Dieu. N'importe, cela n'en est pas moins vrai. J'étais si malheureux que j'en perdais la tête. Je n'ai pu prendre sur moi d'écrire à Florence. Pourquoi donc? Vous ne voulez pas dire que vous soyez infidèle à Florence? Il est impossible que vous veuillez me le faire entendre, Harry. Dites-moi tout de suite qu'il n'en est rien. Et alors je vous promets qu'elle vous pardonnera tout, que Théodore vous pardonnera, ainsi que nous tous, quoi que vous ayez pu faire. Oh, Harry, tout ce que vous voudrez plutôt que cela. Harry Clavering n'avait rien à répondre. Il restait assis, sa tête appuyée sur son bras et son visage détourné. « Parlez, Harry. Si vous êtes un homme, dites quelque chose. Est-ce vrai ? Si c'est vrai, vous l'aurez tué. Pourquoi ne parlez-vous pas, Harry Clavering ? Dites-moi la vérité. » Alors il lui raconta toute son histoire, sans oser la regarder en face, d'une voix uniformément soutenue et contenant son émotion jusqu'à ce qu'il fût arrivé aux événements de ces derniers jours. Il lui dit comment il avait aimé Julie Brabazon, et comment elle avait payé son amour, comment il s'était juré, dès qu'il la sut effectivement mariée à ce lord, de ne jamais aimer aucune autre femme. Puis il parla de son séjour à Stratton, de la connaissance qu'il y fit de Florence. Il dit combien ce second amour était différent du premier, comment cet amour avait grandi peu à peu, sans obstacle, et sans que rien vînt altérer sa confiance, tellement qu'il acquit la certitude que cette jeune fille, s'il pouvait l'obtenir, serait une source de joie pour toute sa vie. « Et elle le sera ?» interrompit Cécile, les larmes ruisselant le long des joues. « Et elle le sera en dépit de tout ?» Il poursuivit son histoire, disant combien il avait été heureux de trouver un chez-soi dans Hounslow Crescent, le plaisir qu'il trouvait à l'appeler Cécile, à porter les enfants sur ses bras, comme si déjà il lui avait en quelque sorte appartenu. Il lui dit ensuite comment il avait rencontré la jeune veuve à la station, et comment il s'était employé pour la servir à la requête de Lady Clavering, et combien elle s'était montrée froide et même offensante pour lui par son silence et ses airs de dédain. « Elle est si menteuse !» s'écria Miss Burton. « Oh, Cécile, épargnez-la !»« Pas un mot contre elle, jusqu'à ce que vous sachiez tout. »« Je sais qu'elle est menteuse !» ajouta Mrs. Burton, ne pouvant contenir son indignation. « Elle n'est pas fausse. S'il y a de la fausseté, c'est chez moi. » Il continua et dit combien il l'avait trouvée différente à la seconde entrevue. Comment il avait compris cet air raide et hautain, cet air en quelque sorte forcé, dans l'abandon où elle s'était trouvée à son retour, personne n'étant venu la recevoir. « Elle ne mérite pas d'avoir un ami, » dit de nouveau Cécile. « Vous lui faites tort. Si jamais on a été injuste envers une femme, c'est envers elle. Mais n'a-t-elle pas été fausse dès le commencement ? Fausse pour s'enrichir par un mariage avec un homme qu'elle n'aimait pas ? Comment l'excuser après cela ? Pensez-y donc, Harry. » « Je l'excuserai pourtant, » dit Harry, retrouvant pour la première fois quelque chose de son ancienne hardiesse. « Je l'excuserai, bien qu'elle ait fait ce que vous dites, parce qu'elle a souffert comme peu de femmes ont souffert, et a fait une pénitence que peu de femmes ont faite. » Puis, échauffé par ses sentiments pour la pauvre accusée, sa prononciation devint plus ferme et plus rapide, et tout son embarras disparut. Il parla de ses visites répétées à Bolton Street, visites tout innocentes, jusqu'à ce qu'une bouffée soudaine de son ancienne passion lui fût montée au cerveau. Il avait l'intention d'être vrai dans son récit. Le fut-il complètement ? Je n'oserais l'assurer. Comment confesser qu'il s'était laissé prendre et griller, lui, pauvre papillon, à l'éclat de la beauté, au suprême attrait féminin de Lady Ongar ? Alors seulement, dit-il, j'ai appris qu'elle m'avait aimé bien plus que je ne pensais. Je pense qu'elle a fait céder son amour pour vous à l'amour de l'argent. C'est la pauvre Florence qui doit être peinée. Mrs. Burton, si vous ne me comprenez pas maintenant, je ne sais pas ce que je puis vous dire de plus. Dans toute cette affaire, Florence est la seule qui n'ait pas de tort. Lady Ongar en a eu, j'en ai. Je suis tenté de croire que Florence est trop méritante pour moi. C'est à elle de lire, c'est le juge à propos. Maintenant je vous ai tout dit, et vous pouvez comprendre pourquoi je ne suis pas venu chez vous. Non, Harry, vous ne m'avez pas tout dit. Avez-vous promis à cette femme de l'épouser ? Comme il ne répondit pas immédiatement à cette question, elle le répéta. « Dites-le-moi, lui avez-vous dit que vous vouliez l'épouser ? Je le lui ai dit. Et comptez-vous tenir cette promesse ?» Harry, à ces paroles, fut abasourdi de la véhémence, de la colère qui éclatait dans la voix de la douce Cécile. « Répondez-moi, monsieur, avez-vous l'intention d'épouser cette comtesse ?» Toujours il restait muet. « Je ne m'étonne pas que vous ne puissiez parler. Oh, Florence, ma bien-aimée Florence, mon pauvre ange perdu, brisé, trahi !» Elle se cacha la figure et se prit à pleurer. « Cécile, » dit-il en avançant la main vers elle, mais sans se lever de sa chaise, « ne me donnez plus ce nom, monsieur. Quand je vous ai permis de m'appeler ainsi, Je vous regardais d'avance comme un frère. Je ne pensais pas qu'il peut y avoir au monde un être aussi faible que vous. Peut-être feriez-vous bien de partir maintenant, de peur que vous ne vinssiez à rencontrer mon mari, qui dans sa colère vous insulterait. » Mais Harry restait assis, sans mouvement, et sans parole. Au bout d'un certain temps, il tourna sa face vers elle. Il fut frappé du violent désespoir qui était peint. Par une impulsion subite, elle se leva de sa chaise et, venant tout près de lui, tomba à genoux devant lui. « Harry !» lui dit-elle. « Harry, il n'est pas encore trop tard. Soyez encore notre Harry à nous, notre cher Harry. Dites que vous le serez. Qu'est pour vous cette femme? Qu'a-t-elle fait pour vous ?»« Pour l'amour d'elle, vous rejeteriez un cœur tel que celui de notre Florence? Est-elle bonne, noble, pure, sans tache, comme Florence? Croit-elle en vous comme y croit Florence? Car Florence y croit toujours. Elle ne sait rien de tout ceci. Elle n'en saura jamais rien. Si vous dites seulement que vous serez fidèle, nul n'en saura rien. Et moi-même, je ne m'en souviendrai que pour bénir votre bonté. Pensez-y, Harry. Ce n'est pas manquer de parole à celle qui la première vous a manqué, Harry. Voulez-vous, d'un coup, nous rendre tous misérables? » Jamais supplications plus pressantes ne furent adressées à un homme pour lui persuader d'ouvrir les bras à la jeunesse, à la beauté, à la pureté féminine. Et au fond, je sais qu'il aurait cédé. Que l'homme, à sa place, n'eût pas cédé, si Mrs. Burton n'eût pas été interrompue dans ses instances. Elle entendit dans l'escalier les pas de son mari, et se relevant de sa posture agenouillée, elle dit très bas et très vivement à Harry, « Ne lui dites pas que tout est arrangé. Je le lui dirai moi-même après votre départ. » « Vous avez été ensemble bien longtemps, » dit Théodore en entrant. « Pourquoi nous avez-vous laissés si longtemps ?» dit Mrs. Burton en s'efforçant de sourire, bien qu'il sentît que des larmes étaient encore visibles sur sa figure. « Je pensais que vous m'auriez fait demander. »« Burton, » dit Harry, « je vous suis reconnaissant de m'avoir laissé causer en particulier avec votre femme. » « Les femmes s'entendent mieux à traiter ces affaires-là. »« Et vous, vous reviendrez demain, Harry, et vous répondrez à ma question ?» reprit Mrs. Burton. « Non, pas demain. Florence sera ici lundi. »« Eh bien, pourquoi la présence de Florence l'empêchera-t-elle de venir ?» dit Théodore d'un ton fâché. « Bien sûr, il viendra. Mais il faut que je la voie auparavant, n'est-ce pas, Harry ?»« Je hais tous ces mystères, » dit Burton. « Il n'y a pas de mystère, » répondit la femme. « Pourquoi m'avez-vous envoyé, Harry, si ce n'est parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas discuter à trois ?»« Viendrez-vous demain, Harry ?»« Pas demain. » « Mais je vous écrirai demain de bonne heure. Je pars. Et bien entendu, vous répéterez à Burton tout ce qui a été dit entre nous. Bonsoir. » Tous deux lui tendirent la main, et Cécile la lui serra avec une expression particulière et un regard suppliant. Que n'eût-elle pas fait pour assurer le bonheur de sa sœur bien-aimée, et quel abaissement lui eût coûté pour en venir à ses fins ?